Lettre 35e. Les trottoirs, les maisons pour une seule famille. Elles n'ont pas réussi, pourquoi? Véritable raison qui rend le séjour de Paris économique pour des Anglais. Richesse naissante de la bourgeoisie. Au nombre des améliorations qui se sont faites à Paris et qui doivent évidemment leur origine à l'Angleterre, celles qui frappent l'œil tout d'abord sont, en premier lieu, l'usage maintenant presque général des tapis dans les salons et l'agrément des trottoirs dans les rues. Dans quelques années d'ici, il sera presque aussi facile de marcher à Paris qu'à Londres, pourvu toutefois que l'on ne dépave pas de nouveau la ville pour obtenir encore de l'immortalité. À la vérité, les vieilles rues ne sont pas tout à fait assez larges pour admettre de chaque côté les énormes esplanades qui bordent les rues du Régent et d'Oxford. Mais tout ce qui est nécessaire à la sûreté et à la commodité pourra s'obtenir avec un moins grand sacrifice d'espace. D'ailleurs, les personnes qui ont connu Paris, il y a une douzaine d'années, quand il fallait sauter d'un pavé à l'autre pour ne pas se mouiller les pieds dans la canicule, toujours tourmentées d'ailleurs par la crainte d'être écrasées par des charrettes, des fiacres, des coucous, des cabriolets ou des brouettes, ces personnes-là, dis-je, béniront d'un cœur reconnaissant le cher petit trottoir qui, à l'exception des intervalles nécessaires pour permettre l'entrée des portes cochères des grands hôtels, et d'un petit nombre d'autres encore qui paraissent avoir été oubliés, bordent maintenant la plupart des principales rues de Paris. On a encore tenté une autre innovation anglaise beaucoup plus importante sous tous les rapports, mais celle-ci a manqué. Il s'agissait d'introduire l'usage de petites maisons construites pour être occupées par une seule famille. Un petit nombre ont en effet été bâtis dans un quartier de la ville. C'est celui qui s'étend dans toutes les directions, derrière la Madeleine. Mais elles ne sont pas recherchées, et il y a pour cela différentes raisons que l'on aurait pu, ce me semble, facilement prévoir et auxquelles je pense qu'il sera très difficile d'obvier. Pour que ces maisons puissent convenir à la médiocrité générale des revenus français, il faudrait qu'elles fussent construites sur une échelle si petite qu'elles ne pourraient renfermer aucune belle pièce. Or, c'est là un agrément qui permet de déployer un certain air de luxe et d'aisance auquel bien des gens sont accoutumés, qui ne paient que 1500 ou 2000 francs par an de loyer. Il y a en outre un agrément que l'habitude a rendu nécessaire à la plupart des familles françaises et dont elles ne peuvent jouir qu'en partageant les frais avec plusieurs voisins, c'est d'avoir un portier et une loge. Quoique les domestiques à Paris soient d'une activité remarquable, je crois qu'il faudrait, en beaucoup de cas, doubler leur nombre si au lieu d'avoir un portier, on adoptait la méthode anglaise d'après laquelle un domestique serait obligé de courir à la porte toutes les fois qu'arriverait un paquet, un message, une lettre ou une visite. Et ce n'est pas encore là tout l'office de ce serviteur de plusieurs maîtres. Je ne prétends pas même savoir exactement tout ce qu'il fait. Il est certain que presque toutes les fois que je donne un ordre, on me répond « Oui, madame, le portier ou la portière fera cela. » Et si nous étions inopinément privés de ces factotums, je crois en vérité que nous n'aurions d'autre parti à prendre que de quitter notre appartement pour nous réfugier dans un hôtel garni, car je ne sais en vérité combien il nous faudrait d'aide, pour me servir de l'expression américaine, afin de nous mettre à même de nous passer de portier. Si l'on songe que tout le système de l'existence domestique, parmi les classes moyennes de Paris, dépend de la loge du portier, on conviendra que c'est là un nouvel exemple des grands effets résultant de petites causes. Mais on m'a si souvent assuré que c'est là principalement ce qui a fait manquer la spéculation des petites maisons à l'anglaise, qu'il ne m'est pas possible d'en douter. Du reste, je ne sais si l'on doit regarder comme un mal un usage qui empêche les Parisiens de changer leur manière de vivre aussi totalement qu'ils seraient obligés de le faire s'ils demeuraient dans des maisons séparées. Les Parisiens forment une population fort aimable, et selon toutes les apparences, fort heureuse. Qui sait l'effet que pourrait produire l'usage tranquille et bien ordonné d'avoir chacun sa maison? La même qualité qui est admirable lorsqu'elle entre dans la composition de tel caractère a souvent une apparence d'incongruité qui choque dans tel autre, et je soupçonne fort que la jolie petite maison, qu'il faudrait payer le même prix qu'un élégant appartement au premier, refroidirait et calmerait singulièrement cette vivacité et cette gaieté qui, survivant aux années, fait que le locataire sexagénaire de ce premier monte deux à deux les marches de l'escalier qui y conduit. Je suis persuadé aussi que les jolis petits pieds bien chaussés qui montent avec insouciance l'escalier commun ralentirait involontairement le pas en traversant ce vilain vestibule auquel, pour y ajouter le moindre ornement, il faudrait faire une dépense souvent assez forte, sans compter encore celle de faire frotter ce vilain escalier du haut jusqu'en bas. Le fait est, je crois, que le taux moyen des fortunes en France, telles qu'elles sont aujourd'hui, ne suffirait pas pour procurer aux classes moyennes cette élégance à laquelle elles sont accoutumées dans leur intérieur, si ce n'est par le sacrifice de quelques portions de cette coûteuse délicatesse que les Anglais du même rang regardent comme faisant partie de leurs prérogatives. Quoique je sois bien loin de dire que je me sens disposé à échanger l'habitude que j'ai contractée depuis si longtemps d'habiter une maison à moi contre l'usage parisien des appartements, je ne puis pourtant m'empêcher d'avouer que par suite de cet arrangement et de quelques autres encore, le revenu d'une famille française contribue infiniment plus à lui procurer les jouissances de la vie qu'un revenu équivalent ne le fait en Angleterre. Qu'un Anglais, quel que soit son revenu, grand ou petit, se donne la peine de calculer la portion de ses dépenses qui est immédiatement consacrée à son agrément personnel et aux douceurs de la vie, et celle au contraire qui passe à des dépenses n'ajoutant ni à l'une ni à l'autre, le résultat de ce calcul démontrera la vérité de ce que je viens de dire. Rousseau dit que les expressions « cela se fait » et « cela ne se fait pas » sont les lois d'après lesquelles se règle tout ce qui se passe dans l'enceinte des murs de Paris. On ne saurait nier que ces mêmes expressions n'aient une puissance au moins égale à Londres, et malheureusement pour notre indépendance individuelle, il en coûte beaucoup plus chez nous qu'il ne le fait ici pour obéir à leurs lois. Des sommes considérables se dépensent annuellement sur des revenus très bornés pour fournir à des frais qui ne contribuent en rien au bonheur personnel de ceux qui s'imposent cette charge. Mais il faut s'y soumettre, parce que cela se fait et cela ne se fait pas. À Paris, au contraire, cette phrase impérative n'a qu'une influence à peine perceptible sur les dépenses. Le principal but n'étant point de paraître aussi riche que son voisin, mais de faire en sorte que ses moyens, grands ou petits, contribuent autant que possible au bonheur et à l'embellissement de son existence. C'est pour cette raison qu'un séjour à Paris devient une ressource si avantageuse dans le cas d'une fortune réduite ou insuffisante. Une famille qui viendrait en France, dans l'espoir d'obtenir un meilleur marché qu'en Angleterre, les premières nécessités de la vie seraient dans une grande erreur. Quelques objets sont à la vérité moins chers, mais d'autres le sont beaucoup plus. Et à dire vrai, je doute qu'en ce moment il y en ait un seul que l'on puisse comparer comme une véritable nécessité de la vie qui soit un meilleur marché à Paris qu'à Londres. Ce ne sont pas les nécessités mais les superfluités de la vie qui sont un meilleur marché ici. Ainsi le vin, les meubles d'ornement, l'entretien des chevaux, le prix des voitures, les théâtres, les bougies, le fruit, les livres, le loyer de beaux appartements, les gages des domestiques mâles, tout cela coûte beaucoup moins cher qu'en Angleterre. Les impositions directes sont aussi beaucoup moins lourdes, et pourtant ce n'est pas la principale raison qui fait que le séjour de Paris devient économique pour des personnes qui ont des prétentions quelconques à tenir un certain rang chez elles. La nécessité de l'ostentation, la plus coûteuse de toutes celles que le rang s'impose, est presque nulle ici, et l'on peut s'en dispenser sans s'abaisser le moins du monde. En un mot, l'avantage de vivre à Paris, sous le rapport de l'économie, dépend uniquement des objets de luxe que l'on peut se procurer. Il y a certainement plusieurs points de délicatesse et de raffinement dans la manière de vivre anglaise que je serais très fâché de voir abandonnés par la nation dont ils forment le caractère distinctif. Mais il me semble que nous gagnerions beaucoup, sous bien des rapports, si nous pouvions apprendre à ne plus mesurer l'importance dont nous sommes à nos propres yeux d'après notre ressemblance avec les autres. Nous frémissons à la cruelle démence du tyran qui voulait réduire tous les hommes à être de la même taille. Mais sont-ils moins fous ceux qui prétendent que pour vivre en gens comme il faut, il est indispensable que tout le monde vive absolument de même, quoique les revenus varient au point que si l'un peut sans inconvénient se livrer à toute sa prodigalité, l'autre ne peut, sans manquer à la probité, satisfaire la moindre de ses fantaisies. Ce genre de folie se rencontre beaucoup plus rarement ici qu'en Angleterre. Et ce n'est certes pas une preuve du bon sens de notre nation puissante de voir que pour une famille qui en France se ruine par des dépenses folles, il y en a 50 en Angleterre que la même cause a réduite à la misère. Il est aisé de reconnaître que nos grandes richesses sont la cause de ceci. L'échelle générale des dépenses a été montée sur un taux si élevé qu'une foule de personnes qui ont vécu d'après cette échelle générale plutôt que d'après celle de leur fortune particulière se sont ruinées par l'erreur qu'elles ont commise. Et dans ce cas, je ne connais pas de remède plus assuré qu'un séjour à Paris. Non pas à la vérité comme le moyen d'épargner de l'argent, mais comme celui d'apprendre à en faire le meilleur usage possible. Je suis convaincu que si nous pouvions adopter la mode d'imiter l'indépendance des Français dans leur manière de vivre, de même que nous copions leurs ragoûts, leurs chapeaux et leurs bronzes, nous augmenterions considérablement notre bonheur. Si nos dames n'éprouvaient pas un serrement de cœur en voyant plus de grands laquais dans le vestibule de leurs voisines que dans le leur, si nos hommes ne soupiraient pas en secret de ce que leur écurie est moins bien garnie que celle de leur ami un tel, si l'on ne faisait pas des dettes chez Gunther, chez Howell ou chez James, parce que l'on aimerait mieux mourir que de se laisser surpasser. Si ce n'était pas, dis-je, tout cela, nous formerions un peuple beaucoup plus heureux et plus respectable que nous ne le sommes. On m'a dit que, depuis la dernière révolution, les habitants de la France sont devenus beaucoup plus avides d'argent qu'ils ne l'étaient auparavant. La paix, que la nouvelle dynastie maintient avec tant de soin, leur a donné le temps et l'occasion de placer et d'augmenter leurs capitaux, et la conséquence en est que les goûts marchands que Napoléon avait coutume de nous reprocher ont traversé la Manche et commencent à causer de grands changements ici. Il est évident que la richesse de la bourgeoisie augmente rapidement, et si rapidement même que les républicains s'en effraient déjà et parlent de l'abomination d'une aristocratie bourgeoise. Il n'y a rien, selon moi, dans la situation générale du pays qui soit plus favorable que cette grande et puissante impulsion donnée au commerce. C'est là le meilleur lest que puisse avoir le vaisseau de l'État. Et pourvu que l'on prenne soin qu'il n'arrive rien qui oblige à le jeter à la mer, il suffira, pour maintenir le bâtiment à flot, de quelque côté que souffle le vent. C'est de cette classe marchande qu'est tirée la grande majorité de la garde nationale, et c'est parce que son enjeu devient de jour en jour plus grand et plus important que l'ordre de choses actuelles peut compter sur sa fidélité et sur le soin qu'il prendra pour empêcher tout changement qui compromette sa prospérité naissante. Les gardes nationaux sont les troupes les plus fidèles du monde. Ils adorent Louis-Philippe, disait l'autre jour quelqu'un dans une réunion où l'on a cessé de parler politique depuis le premier moment jusqu'au dernier. C'est vrai, répondit un autre, ce sont les plus fidèles troupes du monde, mais c'est parce qu'elles adorent leur boutique. Mais quelle que soit la cause de cette fidélité, l'effet en elle-même, étant que cette force, toujours prête et toujours présente, existera, le commerce de la capitale aura peu à craindre d'une nouvelle révolution. L'effet de la richesse naissante de la bourgeoisie est visible sous différents rapports, mais surtout dans le grand nombre de belles maisons qui s'élèvent avec rapidité, blanches et brillantes comme de jeunes champignons, dans la partie nord-ouest de Paris. C'est là un monde tout à fait nouveau et qui me rappelle les premiers temps de Russell Square et de ses environs. L'église de la Madeleine, au lieu de se trouver placée comme autrefois presque à l'extrémité de Paris, a maintenant derrière elle une ville toute neuve, et si les constructions avancent toujours dans la même proportion, nous ou nos enfants verrons cette église occuper à Paris une position aussi centrale que le fait à Londres celle de Saint-Martin-des-Champs. Un marché a déjà été établi dans cette nouvelle ville, et je ne doute pas que des églises, des restaurants et des théâtres sans nombre ne le suivent. Cette augmentation subite de richesse a occasionné une grande augmentation dans le prix de presque tous les objets qui se vendent à Paris, et si l'argent continue à arriver avec autant d'abondance, il est plus que probable que les modestes profits des marchands de Paris égaleront à la fin les fortunes colossales de l'Angleterre. Et alors, plusieurs circonstances qui existent aujourd'hui et qui forment les points de différence les plus remarquables entre les deux pays disparaîtront, une grande aisance étant en bien des cas la seule chose qui manque à une famille française pour la faire vivre tout à fait à l'anglaise. D'un autre côté, si jamais cela arrive, je ne sais s'il n'est pas à craindre qu'elles ne perdent du côté des modestes plaisirs beaucoup plus qu'elles ne gagneront par leur surcroît de splendeur. Quant à moi, je pense que quand des dîners de cérémonie remplaceront les visites si peu coûteuses du soir, Paris sera plus d'à moitié gâté, et les Anglais devront alors se contenter de rester orgueilleusement et pompeusement chez eux, car au lieu de l'aimable et gai contraste que Paris leur offre aujourd'hui, ils n'y trouveront plus qu'une rivalité souvent heureuse.